Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 586 qui commence avec un album de la semaine, l'album Ringo Rama sur RIG, sorti en 2003 par Ringo Starr forcément, et c'est même la version Limited Deluxe Edition qui nous permettra d'entendre à la fin, il y a trois bonus, je vous en ferai entendre deux, ce sera Blink et OK Ray. Il y aura l'inévitable Eye to Eye que j'adore. Il y aura Never Without You, la chanson hommage à George Harrison. Instant Amnesia, I Think Therefore I Rock and Roll. Et Elizabeth Rains. Voilà, c'est pour l'album de la semaine. Il y aura également du Harrison, du Lennon, du McCartney et des Beatles. Pour Harrison, ce sera Let It Down sur All Things Must Pass en 1970. Ce sera la version 2020, le mix de 2020 que vous allez entendre. Pour pour John Lennon, ce sera Give Me Some Truth, une chanson qu'il avait travaillé, si on veut, un peu avec les Beatles, mais qu'il sortira sur son album à lui, Imagine, en 1971. Quant à McCartney, ce sera Jet, sur Ben on the Run. Et puis pour les Beatles, ce sera une surprise parce que c'est une chanson dédicacée. Vous êtes bien sur RIG, on se retrouve sur le groupe La Saga des Fab Four. Et voici que commence la première chanson, un bon rock'n'roll, comme sait le faire John Ringo Starr. Je vais le mettre comme il faut, ne vous inquiétez pas. Voici Eye to Eye sur RIG. Here we go. So long ago. Well, nothing's changed, and if you don't believe me, look out your window. Eye to Eye, the first song on Ringo Starr's new album, Ringo Rama. Welcome back to the Ringo Rama Radio Hour. Ringo, on the one hand you say it don't come easy. Yeah. On the other you sing peace and love and harmony. Now tell me how hard can it be? You were born during wartime. Yeah. Violence has affected your loved ones. The world's in turmoil today. Do you manage to stay optimistic or do you go back and forth? I go back and forth like everybody else. The good thing is I'm optimistic more than not. You know, I was born, I mean, my mother had the great line that they started the war because I was born. They had to do something. God rest her soul. Well, talking about your early days, you were sick a couple times as a kid. Yeah. Wasn't it during a hospital stay in Liverpool that you first got interested in drumming? How did that happen? It was my second year in hospital that I had tuberculosis, and in those days they used to put you in what we like to call a greenhouse in the country, in the countryside, and thank God someone had invented streptomycin. And you just sat around for a year getting well. And so to keep you entertained, like once a week they'd have like lessons. It could be knitting, it could be modeling, it could be anything. And occasionally it was music. And they'd bring in tambourines, triangles, and little drums. And the teacher would have a big sheet, a big card. So if she pointed to the yellow dot, you hit the drum. And if she pointed to the green dot, you hit the triangle or whatever. You know, it's very, very primitive. But anyway, from that moment, I wouldn't play in the band unless I had a drum. And, you know, they just became the love of my life. They became the dream that I one day would have my own set, which happened. And then the other dream was that I would play with other musicians, which came true. And it's still going on. Did you ever dream that you would go to Memphis in your mind? I never dreamt I'd go to Memphis in my mind, but Memphis was in my mind a lot growing up because all of the music that came out of Memphis. I did try to get to Houston, Texas, when I was 18 because of Lightnin' Hopkins, the blues player. But no, I never thought I'd ever get to Memphis. And I've actually stood in Sun Records where they made, you know, in the recording studio there, and stood where they've all stood. In the anthology video, each of the Beatles had a different recollection of meeting the King of Rock and Roll. Yeah. Were there any details of that get-together that you all agreed on? No. No, we all came just... Even later than the anthology, Paul and I, Klaus Voormann was doing a painting of our meeting with Elvis because nobody took any photos. And so he gave us both a piece of paper and said, now draw your vision of what the room looks like. And I actually came in the front door from the right, and on Paul's drawing, he came in the front door from the left. So I think we were just too excited. Hello. Je vais essayer de résumer un petit peu. D'abord, on dit que c'était la chanson Eye to Eye, et que dans la chanson, il dit « It don't come easy », et puis il parle de « Peace and love ». Donc Mark Hudson, qui l'interroge, lui dit « Est-ce que tu es né pendant la guerre ? Est-ce que tu es optimiste tout le temps ? Ou est-ce que quelquefois, ça fait des allers-retours ?» quoi. C'est « Ça va, ça vient ». Et Ringo répond « Oui, ça va, ça vient. Je suis pas tout le temps super optimiste. » Après, il lui dit, tu as été très malade quand tu étais petit, et est-ce que c'est à l'hôpital que tu as eu ta première batterie? Il répond, oui, c'est lors de ma deuxième année. On avait la possibilité de pouvoir faire plusieurs activités, et moi j'ai choisi la batterie, et un de mes rêves était d'avoir mon propre set de batterie. Je l'ai eu, ce rêve. Ensuite, c'était de travailler avec d'autres potes musiciens. J'ai fait ce rêve-là. Et enfin, ben voilà, c'est la batterie est devenue le centre de sa vie. Ça a été quelque chose qu'il a adoré et qu'il adore encore à 80 balais, etc. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Oui, ils font une anecdote sur Memphis in My Mind, qui est une des chansons de l'album. Ils parlent donc d'Elvis et Mark Hudson dit « Lors de l'anthologie, vous sembliez avoir chacun votre souvenir de cette rencontre avec Elvis ». Est-ce qu'il y a un moment donné où vous avez quand même des souvenirs communs? Et Ringo dit non. Non, parce que, ben, je sais pas pourquoi, mais chacun a son propre souvenir. On n'avait pas le droit de prendre des photos ni quoi que ce soit. Et j'en veux pour preuve que Klaus Voormann, qui est le dessinateur de pochettes de Revolver, par exemple, leur avait tendu un papier en disant, il avait aussi, je crois, vu Elvis. Je suis pas sûr pour Klaus Voormann, mais il leur a dit, maintenant, dessinez l'endroit où vous étiez. Et Ringo a mis la porte d'entrée côté droit, alors que Paul McCartney a mis la porte d'entrée côté gauche. La preuve que les souvenirs, ça va, ça vient. le répète toujours parce qu'il faut le répéter. Fin 1969-1970, de toute façon, George Harrison avait dans ses tiroirs des tas de très bonnes chansons qui avaient été rejetées par Paul et John parce que, et même peut-être un peu par George Martin, parce que George Martin croyait au succès de Paul et George et ne faisait pas confiance, au moins presque jusqu'à la fin, à George Harrison. Et c'est dommage, il s'en est excusé un peu plus tard, de toute façon. Mais combien de bonnes chansons il a comme ça gardé dans ses tiroirs jusqu'à les sortir sur un seul album, enfin une partie en tout cas, l'album All Things Must Pass. D'ailleurs, il paraîtrait qu'il aurait une trentaine ou une quarantaine de chansons dans ce tiroir, pas toujours complètes, mais comme il était très fouillis, George Harrison, eh bien, Olivia a dit, il va falloir remettre la main dessus et voir si on peut travailler avec Jeff Lynne ou avec Danny, si on peut essayer de faire quelque chose. Ce serait tellement bien. S'il vous plaît, faites ça pour nous. On a encore un ou deux albums à entendre de George Harrison avec des démos incomplètes que son fils finirait, ça irait très très bien. On en serait très contents. D'ailleurs, voici une chanson, finie celle-là, qui avait été travaillée avec les Beatles, je l'ai dit en début d'émission. C'est John Lennon, en 1971, sur l'album Imagine, et ce titre, Give Me Some Truth, sur RIG. Short head, yellow belly, summer tricky dicky, gonna Que je ne voulais pas vous présenter la chanson des Beatles, la première chanson des Beatles, alors qu'habituellement je le fais, puisque c'est une chanson pour un anniversaire. Aujourd'hui, c'est un certain nombre d'années, parce que je la connais bien, de Fabienne, qui écoute depuis Paris. Et pour Fabienne, avec une grosse bise de la part de l'animateur, voici Birthday des Beatles. Et je sais que tous les internautes de Facebook vont lui souhaiter également un bon anniversaire à Fabienne.

Without You sur l'album Ringo-Rama sorti en 2003. Ringo est une bonne patte pour l'essentiel. Sa carrière n'a jamais été guidée par autre chose que ses rencontres, bonnes ou mauvaises. Alors qu'il renoue avec la pop-rock au début des 70s, il se laisse choyer et gâter par ses pairs qui lui concoctent des chansons sur mesure et une production cousue main. Avec un régiment de musiciens chevronnés, tous heureux de faire profiter leurs copains de leurs compétences. Depuis 5 ans, là on parle de 2003, Ringo Starr s'était lié au producteur et compositeur Mark Hudson et au groupe The Roundheads, dont il s'avère clairement que Ringo leur sert à réaliser par procuration leurs propres ambitions musicales et au mépris de sa propre personnalité. Cette bande de joyeux lurons ne manque pas d'un indéniable savoir-faire, mais celui-ci est très rarement mis au service de l'ex-Beatles, c'est en tout cas ce que pense l'auteur de ce bouquin. Pourtant, David Gilmour, Eric Clapton et Willie Nelson ont poussé la porte du studio en 2003 pour laisser leur empreinte sur une poignée de titres. Never Without You, son hommage à George Harrison et Imagine Me There, mais aussi un rock franc du collier doté d'un riff qui titille l'oreille, Tripping on My Own Tears. Le reste, eh bien, c'est du bon aloi, c'est un bon album de Ringo Starr que je vous propose actuellement de redécouvrir avec de temps à autre. Il me semble, il y aura une interview de Ringo Starr. Je crois que je l'ai fait deux ou trois fois dans cette programmation de la saga des Fab Four.

Chanson donc qui montrait la différence entre, je le dis quand même un petit peu, entre Paul McCartney et John Lennon, puisque John Lennon, lui, c'est toujours « je suis un perdant, je vais pas y arriver », alors que Paul McCartney est vachement positif. Lui, si ça marche pas, ben c'est pas grave. Je continuerai à suivre le soleil. Bon, et puis, en 1975, Rock'n'Roll, ce fameux album que John Lennon a été obligé de faire pour payer des droits suite à un petit bout de parole qu'il avait emprunté de Chuck Berry, et il a été condamné sur Come Together. Il a été condamné soit à payer, soit à faire, à reprendre des chansons de Chuck Berry. Et pour qu'il ait des droits, Chuck Berry, etc. Lui, il s'est dit, bah, tant qu'à faire, on va faire un album rock'n'roll, et ça s'est étiré sur plus d'un an, pendant son fameux week-end, le Lost Weekend, ou le week-end perdu. Mais quel beau résultat en tout cas en 1975 avec une façon de faire du rock'n'roll qu'on aime avec une voix qui est très très très très très bonne. Je retourne du côté de George Harrison en 1976 sur l'album 33 1/3, qui veut dire 33 et 1 tiers, qui était à peu près son âge en 1976 au moment de la sortie de l'album. Et qui était, rappelez-vous les anciens, la vitesse de rotation du 33 tours à cette époque-là. Voici Life Itself sur RIG 90.7. C'est la radio des Beatles le mercredi soir entre 20h et 22h. est temps de revenir à l'album de la semaine. Le titre du morceau que je vous propose, et il y aura une interview de Ringo juste après. Voici Instant Amnesia sur RIG. Amnesia makes you forget your worries, your troubles, forgives you your debt. Instant amnesia, it's already gone. You can think you remember, tomorrow you're wrong. Amnesia, it's just like a kiss. You can't close your eyes, it's too easy to miss. Instant amnesia, you can't take no pill. There's no medicine, so it must be God's will. almost forgot. Oh, Instant no. Instant Amnesia. Oh, there you Ringo go. Ringo Starr on the Ringo-Rama Radio Hour. Is the concept of instant amnesia about surrendering your pre-programmed habits, like when you said on Vertical Man, it's time to put the puppet to bed? Yeah. Well, instant amnesia, it happens to everybody. And sometimes we not only forget what we're doing, sometimes we forget for a minute who we are. And it's about that, is that, okay, you know, I forgot who I was for a minute. I mean, emotionally and spiritually. Let's get back on track. You always come at us from the heart when you're flashing that peace sign. I know it's more than peace. What's in your heart when you flash us that sign? Well, it's peace and love. And at the concerts, there's a lot of peace and love. That's why I love playing, because the audience, I know the audience love me, and they know I love them. And there's certain moments when it's all together. The band is great, the emotion is great, the audience, the band, it just... It's the high of life, really. It's just the highest place. And you mentioned pushing Sheila and Sheila pushing me. We may push each other, but we do it in a loving way. So much of Ringo-Rama is about the healing power of love, both universal and personal. On behalf of millions, I want to thank you for the love, Ringo. And I wonder how you and Barbara heal and relax when you're not touring or recording. Oh, the same as everybody. Et le reste, ça appartient à l'histoire, puisque ça n'a plus de rapport avec la chanson. En gros, Ringo dit instant amnesia, donc une amnésie instantanée. Ce sont les moments où quelquefois tu ne sais plus trop où tu es, tu ne sais plus trop qui tu es. C'est avec l'âge, quelquefois, ça arrive pas forcément. Et bien, il faut que tu te remettes sur les rails. Et c'est de ça que parle la chanson. Ensuite, Roger Hudson lui dit « Et quand tu fais ton signe Peace and Love, qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Et bien, Ringo dit ben, « C'est juste Peace and Love, parce que quand je suis en concert, et j'adore être en concert, les gens m'aiment, et moi, ils savent que j'aime les gens. Et lorsqu'on est à fond, nous, l'orchestre, et que on s'éclate comme ça, c'est un moment absolument génial qu'on adore faire, etc. C'est de l'amour. C'est vraiment le thème de Ringo Starr jusqu'à la fin. Et tant mieux. Ça, c'est bien, Monsieur Ringo. Bravo. Sur l'album George Harrison, voici Soft Touch de George Harrison, forcément. On est en 1979. Vous écoutez RIG 90.7, c'est la radio des Beatles, le mercredi soir. Sunrises, joy.

propose les Beatles tels que l'avait pensé Brian Epstein. Au début des années 60, Brian Epstein disait « Les Beatles, on les écoutera encore en l'an 2000 ». Eh bien, en l'an 2023, on écoute encore les Beatles avec cette chanson « Now and Then » sur RIG. One, two, three. L'actualité des Beatles 2023, la dernière chanson, chanson composée vers 1977-1978 par John Lennon, avec son piano et juste posé sur le piano, un magnétophone et un petit micro, donc un son relativement pourri. Mais excusez-moi, c'est une démo, donc on n'a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Cette chanson a été donnée à l'équipe à l'époque de Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr et Jeff Lynne aussi, si on veut, pour essayer d'en faire quelque chose en 1995 pour les anthologies et George Harrison a mis son veto en disant Non, on n'arrive pas à assez sortir la voix de John, ça vaut pas le coup, moi je veux pas. Et à ce moment-là, au moins chez les Beatles, en principe, c'était, s'il y en a un qui veut pas, ben on fait pas. Ça n'a pas marché comme ça pour Let It Be, si vous vous en souvenez, mais on va laisser ce côté-là de côté, sinon on n'aura jamais le temps de faire deux heures. Bref, tout ce que vous entendez sur cette chanson-là, Now and Then, c'est du Beatles, puisqu'ils ont, avec l'intelligence artificielle, ils ont demandé à l'intelligence artificielle de déblayer tout ce qui n'est pas la voix de John Lennon, pour en faire une voix comme si elle avait été enregistrée en studio. Et si vous entendez la voix du départ, il y a quand même du boulot. Bravo, c'est du super bon boulot. Il y a McCartney et Ringo Starr qui sont ensemble pour essayer de faire un petit peu de soutien. À l'époque, George Harrison avait fait de la guitare rythmique en 1995. Elle est dessus. En 2022, puisque c'est à ce moment-là qu'ils s'en sont occupés, Ringo Starr a rajouté de la batterie, McCartney a rajouté de la basse et fait un solo de guitare ressemblant à ce qu'aurait pu faire George Harrison. Quant aux chœurs que vous entendez, les chœurs sont extraits de trois chansons. Je ne vais pas les avoir en tête. Je sais qu'il y a Because. Il me semble, il y en a deux autres. Ça doit être. Attendez, comme Eleanor Rigby et une autre. Pourquoi trois chansons? Parce que il n'allait pas faire un, vous auriez reconnu Because. Il y a un petit peu de un, et puis pour un changement de ton, ils ont coupé et mis un autre extrait. Mais c'est bien les Beatles qui ont fait ça. Vous avez compris. Donc c'est du 100% Beatles au final. Un très très bon titre qui reste dans la tête sans aucun problème. Bref, avant de prendre du retard, nous écoutons une nouvelle fois l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Ringo Rama, sorti en 2003 par Monsieur Ringo Starr. C'est la saga des Fab Four numéro 586 et voici un nouveau titre. I Think Therefore I Rock and Roll sur RIG. Look inside, you are the lifeline somehow. Ringo Starr and the Roundheads on the Ringo Rama Radio Hour with I Think, Therefore I Rock and Roll. Ringo, you rocked here the other night in New York City at the Bottom Line. Yeah. With the Roundheads. But you tour most summers with your all-star band. Would you ever tour with your recording band, a situation where you'd have to do all your songs? Well, we could tour. The longest set we ever did, we did the Bottom Line a couple of years ago where we had like an hour's show. Where Saturday night we did 35 minutes. And then we did Storytellers with the Roundheads. So it depends on the project, really. But for me, the summer tour is with the All-Stars. It's such a good vibe and a chance to play with all these musicians. You know, there's no other way we could get together. So the question you asked about going out with the Roundheads is possible. And this year we actually looked at it because I've got a new record. Should we go out and just do promotion with the Roundheads or do an All-Star tour? So, you know, you have to make decisions. So I thought, well, we'll promote the record the way we are, mainly on TV, the gig at the Bottom Line. And now this summer, I'm going to do the All-Stars again. You began the summer All-Star tours in 1989, around the time that you got sober. Was it that fresh energy that got you going with the All-Stars and back on the road? Yeah. Well, you know, when you're not drunk, you've got time to do other things. And so the other thing I do really well is play drums. And then we're back to, and then I want to play drums, so I need people to play with. And it was like really strange that I got a phone call from David Fischoff in New York, never met the man, who said that Pepsi had given him a lot of money for me to go on tour. I'd never thought of it before. So that's how it came about. And so for the first band, I just opened my phone book and called Dr. John and Billy Preston and Joe Walsh, Nils Lofgren, and Lee Vaughan and Rick, all the people I knew, and called them and said, look, they've offered me a tour in the summer. Do you want to come? Because I made the decision then that I didn't want to front it for 2 hours, because that's how long you have to play now. You know, I just wanted to front it, play drums with all these other great artists, and you know, it's worked so far nearly every year since then. Can you believe that you've been doing the All-Stars longer than you were with the Beatles? Well, I've done most things longer than I was with the Beatles. I mean, it was only 8 years, you know, start to finish. You gonna add any songs to the set this summer? We're gonna use Never Without You and probably Memphis from the new record. When it's the All-Stars tour, and it doesn't matter where we play, even with the Roundheads, I'm still doing Little Help and Yellow Sub, a Photograph, you know, tracks that people know and love. You mentioned Never Without You, that's the next song we're going to... Oui, ça c'est, on a écouté de toute façon Never Without You tout à l'heure, donc je coupe. Mark Hudson demande à Ringo pourquoi il utilise les Roundheads à l'époque, en 2003, pour l'enregistrement, alors que lorsqu'il est en tournée, c'est les All Stars. Et Ringo dit simplement que, en fait, la première fois quand ça lui est arrivé, d'abord il n'a pas envie de faire 2 heures pendant lesquelles il est lui le seul devant. Il adore être dans un orchestre, dans un groupe, voilà, tout simplement. Et donc, la première fois en 1989, quand il a arrêté de boire et qu'il est devenu sobre, on lui a proposé de l'argent pour pouvoir faire une tournée. Et il s'est dit, eh ben, je vais ouvrir mon carnet d'adresses. Il a appelé ses copains. Ses copains sont venus. Et il dit, chaque tournée d'été qu'on fait, c'est quelque chose de fantastique parce que c'est la seule occasion que j'ai de pouvoir tourner avec ces gens-là qui ont tous et toutes été des vedettes. Et, ça lui fait extrêmement plaisir. Il a déjà tourné avec les Roundheads, par exemple, en 98 ou 99, lorsqu'il avait fait Storytellers. Il faudrait que je recherche la date, là où il était seul, la seule vedette. Mais c'est vrai qu'il préfère, et sincèrement, moi qui l'ai vu, Ringo Starr, au début j'avais un a priori, je me disais, quand je vais voir McCartney, je veux entendre Paul McCartney chanter. Quand je vais voir Ringo Starr, je veux entendre Ringo Starr chanter. Les autres, même si ce sont des vedettes, je m'en fous. Mais j'avais tort, parce que quand on a un gars de Toto qui chante Africa, quand on a un gars de Men at Work qui nous chante Who Can It Be Now, etc., etc. C'est un grand, grand moment. J'avais passé 2 heures, je crois, parce que il fait pas plus de 2 heures. 2 heures de un véritable show rock'n'roll. J'ai adoré voir Ringo Starr. C'était à Paris la dernière fois. C'était en 2010, 17 ou 18, il me semble. C'était très très bien. Bref, nous en sommes... Oh, on est presque en retard. Nous en sommes à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George. Même si eux reprennent une chanson de leur père comme Chuck Berry ou qui vous voulez, et que ce soit les Beatles en solo ou en groupe, quelqu'un d'autre reprend cette chanson-là et ça devient la cover. Bref, cette semaine, non, la semaine dernière, j'ai fait la découverte d'un gars qui s'appelle Robert Cassar. C'est un Américain et il est sur YouTube. Il propose de décortiquer des chansons et quelquefois il s'amuse, il se fait plaisir et il reprend des chansons, notamment de John Lennon. On dirait que c'est un fan de John Lennon. Il m'a dit en off qu'il va sortir, je crois, au mois de février, un album de cover de John Lennon. Je l'attends avec impatience, cet album. On en mettra des extraits certainement. Parce qu'écoutez, sa version de Julia des Beatles, c'est lui qui fait toutes les voix et tous les instruments. Et c'est vraiment très très bien. Julia, la cover faite par Robert Cassar sur RIG. Sing the song of love. Le groupe éphémère Traveling Wilburys avec Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison et Roy Orbison que nous venons d'entendre à l'instant, puisque c'est lui qui avait la vedette en lead vocal avec You're Not Alone Anymore sur RIG. Cette chanson était une phase B en 1975, Move Over Me Cell par John Lennon, mais même cette chanson-là est une version alternative, ça n'est pas exactement la chanson qui est sur la phase B du 45 tours. Ne cherchez pas, c'est une exclusivité de la saga des Fab Four. On revient une antépénultième fois, je ne sais plus, peut-être avant-dernière seulement, voyons voir. Ah oui, oui, oui, antépénultième, il y en aura encore deux, je vais y arriver. Une chanson que j'aime beaucoup, Elizabeth Rains sur RIG, c'est extrait de l'album, je pédale aujourd'hui, hein. C'est extrait de l'album Ringo-Rama de Ringo Starr, sorti en 2003. Ten, two, three. Help me, Captain, help me. I was younger. goes me nuts. Ringo Starr with Elizabeth Raines from his new CD, Ringo-Rama. At the end of the song, which is a balanced view of the Queen in company, you say, well, there goes me knighthood. There goes me knighthood. Yes, I think it has gone. Well and truly gone now. Does that bother you at all? No. I don't want to be a sir. I want to be a duke or a prince. So if they come through with that, I'll seriously consider it. Where was the recording for Ringo-Rama? Was it in England? Yeah. Yes, I have a studio in England. Small studio. Now you don't need big rooms. And I decided that, you know, Mark's studio in L.A., which is just, it's actually an office above a Chinese restaurant, but it's a studio because we call it a studio and we have recording instruments there. I won't go into the so-called proper studio no more with the isolation, you know, and especially the drums are put in a box and there's no real communication of feeling each other. You know, we can hear each other and see each other, but now nobody is more than 4 or 5 feet away from me when we record. We're like a garage band, even though we're making a record. The drums are always live. The drum track you hear on the record is the track I played at that moment. There's no edits or drum overdubs. There's maracas and tambourines, but the actual drum track is always live, and the rest of the instruments are direct inject, thanks to technology. What drum kit are you using these days? I use Ludwig. You know, it's one of those things. I started playing Ludwig in the 60s. I've loved the tone of Ludwig, and I'm still with them. So there's a plug for Ludwig. Did being in England for much of the recording make it easier for you to track down a couple of the guests? One's name is Eric Clapton, another's name is David Gilmour. It was very easy to track them down because they both live 5 minutes away. Oh. And Dave Gilmour, we were doing a charity gig in England. He was playing with another band, and I was playing with a band in England that my son Zach puts together called the Ravens for Tibet. It was a charity gig for Tibet, and so I was making the record, and I asked Dave, I'm making a record, would you like to play? And he said, sure. So I said, see you Thursday. And he said, sure. And he came, and it was great. And Eric was the only person I wanted. Alors on lui dit, sur cette chanson-là, à la fin, tu dis, et ils m'ont fait chevalier. Est-ce que c'est important pour toi? Il dit non, je m'en fous. De toute façon, je voulais être un duc ou je ne sais plus quoi. J'ai perdu ma note que j'avais notée. C'est pas grave. Bref, après, il parle de l'enregistrement. Comment s'est déroulé l'enregistrement? Est-ce que tu l'as fait aux États-Unis ou en Angleterre? Non, je l'ai fait dans un petit studio en Angleterre parce que j'estime ne plus avoir besoin de grands studios. De toute façon, les grands studios, ce qui est désagréable, c'est qu'on est tous dans des box, on est isolés les uns des autres, et moi j'aime bien être proche. Et là, dans le petit studio dans lequel j'étais, eh bien, tout le monde était à 3-4 mètres de moi. Donc je préfère ça, c'est beaucoup plus chaud, beaucoup plus vivant. D'ailleurs, ce que vous entendez, la batterie que vous entendez sur les disques, c'est toujours moi en direct, c'est tel que je l'ai enregistré en studio, on n'a pas fait de retouche à ça, c'est comme ça. Après, évidemment, on peut rajouter des tambourins, on peut rajouter ce qu'on veut, mais la partie batterie, c'est moi et c'est ce que j'ai fait en une seule fois, voilà. Est-ce que tu as eu des invités? Oui, il y avait David Gilmour qui faisait un petit concert avec un groupe à lui pour une œuvre de charité. Je lui ai demandé s'il voulait venir, il a fait « ouais, pas de problème ». De toute façon, ils habitaient, David Gilmour et Eric Clapton, qui l'a invité également sur ce disque-là, étaient à quelques minutes simplement du studio. Donc quand il a demandé à Clapton, Clapton a dit « ouais, ok, j'arrive aussi ». Pour la petite histoire, je crois que je cherche, si j'arrive à trouver, c'est pas forcément évident, Ringo Starr dit que à cette époque-là, donc en 2003, lorsqu'il a enregistré l'album, il était sur ce moment-là en Angleterre avec son fils Zach pour une œuvre de charité dans un groupe qui s'appelait The Raven. Affaire à suivre. C'est la saga. Thank you. Last night. I knew for the first time that you were the one I've been dreaming of. I can't get over myself, falling into the hands of love, falling into the hands of love, love, sweet Eric et son fabuleux Johnny de A à Z. est vraiment fabuleux, hein, parce que là, cette semaine, ce sont les duos impossibles. C'est à écouter. Voici les deux derniers titres. Ce sont deux des trois bonus que propose la version deluxe de Ringo Starr. Le premier, c'est Blink. Think the world was just a sad and lonely place. That's what my true love once said to me. But that was long before I ever saw her lovely face. That's okay, those eyes of mine, you see. Yeah, there ain't no two ways around it. You can't see the light until you found it. You're in love. I want to tell her about the way she moves me. Just tell me, yeah, I'll tell her for you. Oh, no, you won't. She means too much to me. Just let me know if there's something I can do. Yeah, there ain't no two ways around it. I can't lose her love now that OK Ray sur RG. The news on the radio was stranger than the fiction in the movies. What I read in the papers like a caper from an Agatha Christie mystery. When trouble comes my way, it turns into one of those days. I pick myself up and say, it's gonna be okay, Ray. Hunky dory, Lori. It's gonna be a breeze, Louise. A happy ending story. I see the people scurry. Why are they in such a hurry to go nowhere? They dream of paradise, but never find the time to ever go there. When trouble comes your way, it turns into one of those days. Just pick yourself up and say, it's gonna be okay, babe. Hunky dory, Lori. It's gonna be a breeze, Louise. A happy ending story. It's gonna be fine, Brian. Tell Mel it's swell. Thanks for getting me the job, Bob. We're all alive and well. Ooh, let me see that again, Mark. In peace and love, in your life a little rain must fall. but I'm open-hearted. Let's get started together, straight up and tall. It's gonna be okay. Merci d'avoir écouté cette 586e édition de la saga des Fab Four. Dans vraiment quelques secondes, mais quelques secondes, il est prêt, hein, il est chaud. Ce sera Eric et Johnny de A à Z avec les duos impossibles. Ça va être absolument magique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. À très bientôt. Salut.